continuer de tenir ce stylo qui ne veut rien dire. Noircir des pages avec du vent, du noir et puis rien dedans. Vois la poubelle qui se remplit des phrases idiotes que j'écris. Dites-moi pourquoi je perds mon temps à faire tout ça, j'ai pas de talent. La pose s'emballe, c'est pas très normal. Je voudrais tout faire de bien aux gens. Les fers s'évader, les fers sont volés sur des accords plaqués à Jean. Lesquels qui s'emballe, rien de plus normal de réveiller les sentiments. Les fers exploser, les fers décorer, j'y arrive pas, c'est énervant. J'ai essayé d'écrire couché, de faire la prose et du rythmé, du cool, du rap, du jazz en slap, mais rien à faire, je peux pas swinguer. Alors j'ai écrit en anglais, j'ai fait des rimes en ABB, des mélodies en eau de vaisselle avec des tonnes de dentelle. La prose à 100 balles, c'est pas très normal. Je voudrais t'en faire de bien aux gens. Les fers s'évader, les fers s'envoler sur des accords plaqués à Jean. Les gueules qui s'emballent, rien de plus normal de réveiller les sentiments. Les fers exploser, les fers décorer, je n'y arrive pas, c'est énervant. Pourtant j'avais des choses à dire, des choses vraies mais trop délire, tout ce trop plein de souvenirs, de mots d'amour secret, de rire. Il faudra bien que j'y arrive ce soir avant de m'endormir, car c'est décidé, si je n'y arrive pas, demain je ferai du cinéma. La pose à 100 balles, c'est pas très normal, je voudrais t'en faire de bien aux gens. Les fins s'évader, les fins s'envoler sur des accords plaqués à Jean. Les cœurs qui s'emballent, rien de plus normal de réveiller les sentiments. Les fins exploser, les fins décorer, je n'y arrive pas, c'est énervant. C'est pas très normal, je voudrais t'en faire de bien aux gens. Les fers s'évader, les fers s'envoler sur des accords plaqués à Jean. Les cœurs qui s'emballent, rien de plus normal de réveiller les sentiments. Les fers exploser, les fers décorer, je n'y arrive pas, c'est énervant. Les cœurs qui s'emballent, rien de plus normal de réveiller les sentiments. Les fins exploser, les fins décorer.